On va descendre le micro un peu. Bon matin. Philippe priait en disant « Aide-nous à saisir si on est faible en la matière. » Moi, ce matin, je vous dirais « Seigneur, aide-moi à exprimer les choses même si on est faible en la matière. » Je suis fatigué. c'est il y a deux semaines, je pense, Pierre Bolduc, là, qui enseignait, puis qui était assailli de toutes sortes de choses. Moi, je suis pas assailli de toutes sortes de choses tant que ça, mais on a une période intense, disons, à la maison. Fait que... Mais je vous ai préparé quelque chose de bien le fun, pareil. On est dans Matthieu. Surprise! Surprise, surprise, hein? Ça fait pas quelques mois, voire années. On est vers la fin de Matthieu, on est au chapitre 26. Je vous invite à... Tantôt, je vous ai vu, là, Philippe a parlé d'un passage, je vous ai vu tout ouvrir vos Bibles. Fait que on va aller dans Matthieu 26, 69. On est vers la fin, là. Matthieu, ça va jusqu'à 28. Fait qu'on a comme tout un vécu, tout un contexte dans Matthieu qui s'est... Un build-up, là, excusez le terme anglais, qui s'est fait. Puis là, on arrive au reniement de Pierre. Le reniement de Pierre, tout le monde connaît ça, ce passage-là, hein? Levez donc la main ceux qui connaissent ça, le reniement de Pierre. Ouais, il y en a qui n'ont pas levé la main, c'est parce qu'ils sont gênés, là. On va faire comme dans les sondages de satisfaction des entreprises, hein. On va écarter tous ceux qui ont dit quelque chose de bizarre, puis on va dire que tout le monde est satisfait. Fait que tout le monde connaît ça. Donc, en fait, c'est un passage important. C'est un passage qui est dans les quatre évangiles. Donc, c'est pas juste dans Matthieu, là, c'est vraiment dans Matthieu, Marc, Luc et Jean qu'on parle du reniement de Pierre. Et pourtant, c'est vous trouvez pas que c'est honteux comme situation? Pierre qui a accompagné Jésus puis qui l'a, devant l'adversité, le renie. Aïe aïe, c'est honteux. Pourquoi c'est relaté? Hein? Pourquoi c'est relaté? On pourrait l'avoir caché en dessous de la couverte. Rien dit. Là, je vous amène dans on va pas ouvrir là, ce passage-là, mais juste contextualiser l'affaire. 2 Timothée 3,16. Je pense que Christian le connaissait par cœur, là, ce passage-là. Peut-être qu'il y en a que vous le connaissez par cœur. Moi, je ne le connaissais pas par cœur, fait que je vais vous le lire. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Fait qu'il n'y a pas d'écriture vaine dans la parole de Dieu. Tout est là pour une raison. Et là, c'est là 4 fois pour une raison. Et puis, explorons cette raison-là ensemble. Okay? Dieu nous instruit. Hein? On dit enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Dieu nous instruit à travers ce passage-là. Et puis on a l'opportunité d'explorer ça ce matin. Puis de comprendre, en fait... Cette instruction-là, Pierre l'avait. Pierre avait été instruit par Jésus en sa présence. Okay? Mais pourtant, arrive là, et là, il y a des obstacles. Okay? Donc, ce matin, c'est ça qu'on va s'attarder. On va regarder ça ce matin. Okay? Les deux obstacles, okay? En analysant le texte, les deux obstacles qui nous empêchent de saisir les instructions de Dieu dans notre vie. Les pieds sont corrects? Boum! C'est bon. Fait que commençons par lire le passage, n'est-ce pas? Je vous l'affiche, mais on a ouvert nos Bibles, alors on va le lire. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez le lire au tableau. C'est un petit, là, mais vous devriez voir. Alors, ça se dit comme suit. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, une étape de plus, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Donc, on imagine un accent là, quelconque. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Une étape de plus, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc, on va analyser ça ensemble, hein, si ça vous tente. et puis on va commencer par le premier obstacle. Donc, je vous répète, là, moi, je vois là-dedans deux obstacles. Et là, on va regarder le premier obstacle. Le premier obstacle, en fait, je vous propose peut-être le représenter comme ça. Le premier obstacle, c'est tout ce qui a mené là, hein, tout ce qui est contextuel à la chose. Qu'est-ce qui mène Pierre à la situation de renier? Puis le deuxième obstacle, on regardera un petit peu plus le déroulement de l'affaire. Mais donc, si on se pose la question, OK, mais avant l'événement en tant que tel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous amène là? En fait, on va y arriver. En fait, Pierre est clairement dépeint, OK? Je ne l'ai pas connu, là. Mais est dépeint tout au long de la parole comme quelqu'un avec un tempérament impétueux. Quelqu'un qui prend des positions, c'est quelqu'un qui est au front, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui va affirmer des choses fortes, OK? Puis je vous représente ici deux exemples, OK? On reste dans Matthieu, donc on reste dans le fil conducteur. Deux exemples, par exemple en Matthieu 4, 19, où Pierre n'hésite pas à se lancer dans la mêlée. En fait, c'est quand Jésus s'adresse à Pierre et André, et il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est quand même quelque chose quand on y pense. Ils sont là dans leur barque, là, en train de pêcher un matin, ils se sont levés le matin, journée normale, aller pêcher, imaginez-vous là, demain matin, aller travailler, journée normale, une parmi mille, OK? Et là, Jésus débarque et leur dit, suivez-moi, puis ils laissent tout, puis ils suivent, OK? Donc, il faut être, faut pas se poser 42 000 questions, OK? Ensuite, Pierre est affirmatif. Là, on regarde le deuxième passage qui est dans Matthieu 16, 15. Okay? Passage qu'on a vu il n'y a quand même pas si longtemps. Et là, Jésus s'adresse aux disciples en disant, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et là, Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Passage qu'on connaît bien puis qu'on a exploré plusieurs fois. Mais donc Pierre affirme, là, « Boum! » Okay, quelque chose de très, très, très campé. Il prend une position forte. Okay? Ça, c'est le tempérament de Pierre qu'on voit tout au long. Puis là je focus sur Matthieu, mais on pourrait avoir pris d'autres évangiles pour en arriver un peu à la même conclusion. Juste avant l'événement du reniement, juste avant, si l'on se situe un petit peu géographiquement et dans l'histoire où on est rendu. Juste avant, dans Matthieu 26, là on est à Matthieu 26, 69, mais si on revient juste à Matthieu 26, autour de 51, là on voit que dans 26, 47, Jésus est à la montagne des Oliviers et est arrêté. Okay? Et puis là, en 26, 57, il se retrouve donc interrogé au palais de Caïphe. Okay? Donc plus bas sur la carte. Mais juste avant, en Matthieu 26, 51, Pierre coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur avec son épée. Okay? Donc encore là, au front, dans l'action, okay, Pierre c'est ça, c'est un tempérament impétueux. Là, je ne suis pas en train de dire si c'est bon, si c'est mauvais, il n'y a pas de jugement de valeur, okay? C'est juste je dépeins une observation du tempérament de Pierre. Donc là, ce qu'il faut comprendre quand on arrive au reniement, là, c'est que Pierre est juif, okay? Il attend un messie, un roi victorieux, glorieux, fort, qui va écraser tout le monde, qui va prendre le leadership du monde connu. Okay? Puis Pierre a tout abandonné pour suivre Jésus, vraiment tout laissé derrière. Donc, dans le jargon, là, il est « all-in ». Il est vraiment là, 100% investi dans l'affaire. OK? Fait qu'on revient à l'obstacle. Puis là, je vais pas répondre tout de suite, mais en fait, c'est ça le but. On va y répondre à la fin. Mais bon, bref, quel est l'obstacle? Okay, on situe donc le tempérament, la personnalité de Pierre. Quel est l'obstacle qui va le mener à renier? Pourtant, quand on regarde vraiment l'Écriture avant, Pierre a entendu là, clairement ce qui va se passer. Puis je dirais, il a entendu clairement à plusieurs reprises. Si on porte une attention aux quatre évangiles, Jésus lui dit même deux fois plutôt qu'une qu'il va le renier. OK? Il a tout entendu ça. C'était clair. OK? Puis si vous ne me croyez pas, bien là, on va aller voir. Fait que 26-31, on va juste revenir un petit peu avant. Matthieu 26-31. Alors, je dis 26-31, mais je suis à la bonne place, moi. J'étais à 25-31, c'est pas bon. 26-31. Parce que mes pages sont collées. On va y arriver. Alors, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est super clair, là. C'est vraiment super clair. Puis là, quand Jésus dit « il est écrit », même si on creuse ça, « il est écrit », en fait, ça fait référence, Jésus fait référence à un livre de l'Ancien Testament, donc que Pierre et que les disciples, on peut s'attendre qu'ils connaissent. Okay? En fait, dans Zacharie 13, 7, je vous le lis, je vous invite à aller le lire aussi. Ça dit, « Épée, lève-toi sur mon pasteur, ou berger, là, selon les versions. Épée, lève-toi sur mon pasteur, berger, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe-le, le pasteur encore là, ou berger, et que les brebis se dispersent. Et je tournerai, porterai ma main vers les faibles. » Dans tout le pays, en fait là, je dépasse ce à quoi Jésus faisait référence, mais c'est parce que c'est important. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Et chose intéressante, on en parlait tantôt dans le feu, dans la chanson. Ce tiers dans le feu, ferai passer ce tiers-là par le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Fait que c'est connu. Pierre a entendu. Mais a-t-il saisi? A-t-il compris? Hein? Parce que entendre, c'est une chose. Mais vraiment bien assimiler la chose, c'en est une autre. C'est une autre étape. Quand Jésus dit, mais après, donc en 32, je reviens dans le 26-32, le passage qu'on lisait tout à l'heure, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. On est d'accord, on a accès aux Écritures. Pierre n'avait pas accès aux Écritures, mais il était en présence de Jésus, il a entendu. C'est super clair. OK? Mais qu'est-ce que Pierre répond à ça? Si on continue là, juste dans le même texte, puis on continue après, en 33. 26-33. Pierre, prenant la parole... Pardon, j'ai-tu manqué? OK. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, cette nuit, là, pas longtemps après, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Ça, c'est juste avant. Fait qu'il a entendu. Fait que là, on peut se poser la question, mais pourquoi? C'est comme illogique. En fait, la question, c'est est-ce que Pierre écoutait? Est-ce qu'il écoutait vraiment ou est-ce qu'il était plutôt préoccupé par ces choses? Parce que lui a laissé derrière, parce que lui, est-ce qu'il était préoccupé par ça? Est-ce qu'il écoutait vraiment ce que Jésus disait? Ou en fait, c'était, wow, qu'est-ce que tu dis là, Jésus? Moi, j'ai laissé toutes mes affaires derrière. Est-ce qu'on vit pas ça? Dans nos vies, est-ce qu'on vit pas ça? Fait que Pierre arrive dans la situation, OK? Et il ne possède pas les éléments nécessaires. Il n'a pas écouté attentivement. Il n'a pas saisi, OK? Il ne possède pas les éléments d'information nécessaires pour faire face à la situation, OK? Ça, on ne vit jamais ça dans la vie au quotidien, hein? Fait que là, je me permets une petite image légère, là, OK, pour représenter la chose. Puis après ça, on va revenir aux choses sérieuses. Et j'ai trouvé cette petite blague-là. Hein? C'est deux oiseaux qui se parlent, OK? Il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Comment va, chérie? » Ou il dit « Ta birdette, là, mais Madame Oiseau. Hein? » Fait que l'autre, il dit « Ah, oh, elle n'est pas contente. »« Hein? Comment ça, elle n'est pas contente? » Ben, il dit « C'est parce que elle m'a dit que j'y achetais pas assez de fleurs. » Fait que l'autre, il dit « Ben, puis, tu sais, dans le sens, tu peux y en acheter. » Ben, c'est parce que je savais pas, moi, qu'elle en vendait. Ouais, c'est une petite pause légère, là, tu sais. Mais en fait, c'est plus un contre-exemple. Ce dont on parle, c'est pas ce genre d'incompréhension de vie-là, OK? On va plus dans des situations où je vais mettre sur le en haut de la liste, OK, mes préoccupations, mes convictions, mes certitudes. Je vais mettre ça en haut de la liste au lieu de vraiment écouter ce que Dieu me dit à travers la parole, ce que mes frères et sœurs m'exhortent à faire. On le ramène dans la vie familiale, je sais pas moi, tu sais, mettons des enfants qui chicanent, ça arrive presque jamais, mettons une fois par année, mais mettons des enfants qui chicanent. Mes enfants, ils chicanent jamais, mais des fois, mettons que ça va arriver qu'ils chicanent. Ils sont dedans, là. Puis là, je leur dis, les enfants, chicanez-vous pas. Ils ont entendu, là, que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Ils l'ont entendu. Mais ont-ils vraiment compris, là? Puis dans la situation où je veux avoir raison, que moi j'ai raison dans mon émotion du moment ou dans ce que je vis présentement, je veux avoir raison. Ce qui est en haut de la liste, sais-tu ce qu'ils ont entendu? Ou si c'est leur orgueil, à quelque part, qui fait sa place, hein? Le moi, OK? Donc, le premier obstacle, en fait, là, pour vraiment saisir les instructions que Dieu nous donne tout le temps, à travers toutes sortes de situations, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est le fait de mettre mes affaires devant le reste. La dernière fois que nous étions, je me mets dans le « nous », hein, absolument. La dernière fois que nous étions convaincus d'avoir raison, dans un débat, c'est pas nécessairement une chicane, hein, dans un débat au travail, la dernière fois que quelqu'un m'exhortait, OK? À ce moment-là, là, est-ce que je mettais, oui Seigneur, je vais mettre ta parole sur le dessus de la pile? Est-ce que vraiment j'avais ça dans mon cœur? Donc, le premier obstacle, là, c'est vraiment cette notion-là de priorisation, là, d'orgueil. On va le dire comme ça. OK? Fait que si on s'en va, on regarde le deuxième obstacle qui vient, vous allez voir, à quelque part dans la continuité ou s'imbriquer avec la notion d'orgueil. Puis qu'on regarde un peu plus le déroulement. Fait que là, on a regardé le avant, qu'est-ce qui a mené là. Mais là, si on regarde un peu plus le déroulement, puis là, exercice intéressant en amenant les textes des autres trois évangiles, en les fusionnant, oh, on découvre des petits détails intéressants, complémentaires, qui viennent nous donner le déroulement, là, vraiment la situation, comment ça se passe. Fait que, donc, on repart de juste un petit peu avant, Matthieu 26, 56. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus l'avait dit, là. Mais là, c'est ça qui se passe. OK? 26, 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra, Donc, il arrive chez Caïphe, il entre et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Et à quelque part, il se rend là. OK? Pourtant, il a entendu, mais il se rend là. Et donc, le deuxième obstacle que Dieu veut nous instruire ici, OK? C'est en approfondissant la chose, on va voir que en regardant le déroulement, Pierre décroche complètement. Il y a quelque chose qui se passe là. OK? Fait que dans Jean 18, on voit l'autre disciple. OK? Fait que dans Jean 18, Jean souvent ne se nomme pas. Fait qu'on peut penser que l'autre disciple, c'est Jean lui-même. OK? Donc, l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Fait que Pierre n'est pas tout seul. Quand il entre, comme on l'a vu dans Matthieu, il n'est pas tout seul. Jean est là avec lui, il le fait rentrer. Et là, c'est la portière qui est la serviteur qui vient interroger Pierre et que Pierre renie pour une première fois. Donc, Pierre renie une première fois là, en entrant. OK? Plus tard, Marc nous dit, puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Donc, après le premier reniement, Marc nous dit ça. Donc, on comprend que et Pierre n'est pas statique, là. Il n'est pas assis là, puis là, les gens, « Hey, hey, hey! » Puis là, il renie trois fois. Il y a comme toute une période de temps qui se passe. OK? Puis là, le coq chante une première fois. Dans les autres évangiles, Jésus, tu sais, au lieu de dire « Tu vas me renier après que le coq va chanter après que tu m'aies renié trois fois », il y a une autre version, là, ou un autre évangile qui dit plutôt « Le coq va chanter deux fois et tu me renieras trois fois ». Fait qu'il y a une notion de « Le coq chante plusieurs fois ». Là, je ne suis pas un expert en coq, je vous préviens. Mais M. Michel Edimant, qui n'est pas là pour... je vais le citer, mais il n'est pas là pour se défendre. M'expliquait la chose suivante que, parce que tu sais, je pense que Michel a une meilleure expérience des coqs que moi, et donc, disait qu'un coq, ça chante plusieurs fois dans la nuit, mais pas d'une shot, pas comme plein de fois à 5 heures du matin, mettons. Je pense qu'il disait quelque chose comme autour de 4 heures. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, moi, je me lève au premier chant du coq, OK? Puis là, il est plus tard vers 6 heures. Fait que tu sais, il y a du temps, OK, qui se passe là-dedans. Et donc, dans Marc 16, 68, on voit qu'après le premier chant du coq, c'est là qu'il y a le deuxième reniement. Donc, quelqu'un d'autre vient interpeller Pierre, et là, Pierre renie pour une deuxième fois. Encore là, un déroulement de temps. Puis là, ben, à chaque fois, je vous ai pointé tout à l'heure dans le texte, là, il y a comme un build-up. T'sais. La première fois, c'est il renie, la deuxième fois avec serment, puis la troisième fois, c'est des imprécations. Et, bon. Donc, si on continue dans Luc 22, 59, ça dit environ une heure plus tard. Donc, encore là, il y a un déroulement de temps. OK? Et puis, si on reste dans Luc, avant que... Donc, Pierre renie pour une troisième fois, mais... Avant le chant du coq, si on reste dans Luc, Luc nous dit au même instant, comme il parlait encore, donc il est en train de renier, le coq chanta. Puis là, ça dit quelque chose d'important. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre et Pierre se souvint de ce qu'il avait dit. Fait que Pierre voit Jésus. Il est dans la cour et voit Jésus. Puis on a vu, là, je vais porter. Touché, je pense que c'est l'enseignement de la semaine passée, tu sais, où Jésus se fait malmener. OK? Pierre est témoin de ça. Il voit ça, il assiste à ça. Fait que ça l'amène tranquillement à perdre espoir, à décrocher, à avoir peur, en fait. C'est son insécurité là, qui remonte. Tu sais, hey, non seulement j'ai tout abandonné, donc je ne veux pas t'entendre quand tu me dis que ça va y aller d'une certaine manière que je ne veux pas. OK? Mais en plus, c'est que si c'est en train de se passer de la manière que tu m'as dit, hey, ça ne marche pas, là. Moi, je décroche. Je veux retourner à ma vérité. OK? Donc, finalement, quand Pierre renie Jésus trois fois, Il est ébranlé, là. Il est vraiment dans cette zone-là d'insécurité. Puis là, ben, je vous repose la question. Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit, ça? Ce décrochage-là de dire, « Ah, Seigneur, tu me dis quelque chose, mais je veux rien savoir. » Puis que tranquillement, on veut se rattacher, là, puis on se débat. En fait, il se débat vraiment fort, Pierre. Hein? Il se débat vraiment fort. Je me suis attardé... À la notion de il se mit à faire des imprécations. Bon, premièrement, imprécation, c'est pas un terme que j'utilise au jour le jour. Edan, tu fais des imprécations? Non, pas vraiment. Fait que j'ai creusé un peu la chose, mais c'est vraiment fort, là. C'est pas des petits termes. OK? Imprécation, ça vient du grec, pardonnez mon grec, anathématizo, OK? Qui signifie vouer à la destruction, se déclarer soi-même sujet à la sévérité des punitions divines. OK? Puis jurer et ajurer, là, ça vient de omnuo, qui veut dire affirmer, promettre, menacer avec serment, appeler à témoin sous serment, invoquer, jurer. Fait que là, Pierre, il est en train de dire, ni plus ni moins, que Dieu me foudroie sur place, je ne connais pas cet homme. Il décroche pas à peu près, là. OK? Puis Jésus, il est là. Fait que là, c'est vraiment, il y a une cassure, il débarque complètement, OK? Puis c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Tantôt, dans la chanson, hey, les chansons sont super bonnes, hein? J'ai remarqué ça, ça vient comme mettre toute la table. Tantôt, dans la chanson, on parlait de marcher sur les eaux. C'est pas la première fois que ça arrive à Pierre. Dans Matthieu 14, 28, je vous le dis. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, » donc là, on se rappelle, Jésus marche sur les eaux, vient vers les disciples, eux sont dans la barque, ils sont effrayés. Encore là, peur, insécurité, ils sont effrayés. Okay? Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Donc Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer dans l'eau, okay. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Fait que c'est ça, c'est la même situation, mais dans un contexte encore plus, je vais dire, intense, okay? Où Pierre débarque. OK? Même après avoir vu Jésus transfiguré, même après avoir vu Jésus guérir des centaines de personnes, chasser des démons, il lui a dit quelques passages avant, là, quelques versets avant, OK? « Ne sais-tu pas que je pourrais appeler des légions d'anges? » OK? Donc, il a vu tout ça. Il a vu tout ça. On s'entend qu'on a établi qu'il arrive, puis il n'a pas bien entendu, il n'a pas bien écouté, fait qu'il n'est pas outillé des bons éléments d'information. OK? Mais là, il arrive là, puis en plus, il décroche. Là. Même après avoir vu tout ça, il aurait pu ne rien entendre de ce que Jésus a dit, pas avoir les éléments d'information, mais au moins pas décrocher, parce qu'il a vu ces choses-là. OK? Mais nous, ça ne nous arrive pas. Tu sais, on lit la parole, donc on entend. On saisit tout, non. On saisit plein de choses, OK? Et on voit des choses, on voit des miracles, on voit des gens se transformer grâce à Christ. On voit des gens qui changent leur tempérament, qui guérissent de façon miraculeuse. On voit toutes sortes de choses. On voit ces choses-là, OK? On le voit agir dans nos vies. On se voit être transformé. Okay? Malgré ça, quand nos besoins, nos combats, nos préoccupations, nos insécurités prennent le dessus, on décroche. Moi, ça me fait beaucoup penser, en fait, puis on en a parlé même en Église Maison, fait que, Marilyn, pardon si je me répète pour toi. Janie aussi, bien entendu. Mais le deuxième obstacle, c'est l'insécurité, c'est la peur. Qui souvent est vraiment sous beaucoup, si on creuse, sous beaucoup de colère, sous beaucoup d'imprécations, OK? Souvent, c'est la peur qui nous guide. Souvent, c'est l'insécurité, OK? Puis ça me fait penser au début, quand j'ai donné ma vie à Christ personnellement, là, mes amis, j'avais beaucoup d'amis, ben j'ai toujours des amis, mais bon, bref, qui étaient non-croyants. Et qui me faisait la réflexion, « Ouais, mais Dieu, c'est une béquille, tu sais. T'en as pas besoin, là. Moi, je préfère gérer ça de mes propres forces, tu sais. » Puis c'est drôle parce que ça me rappelle vraiment en toute transparence, OK? On était dans le sous-sol chez les Pépins à l'époque. C'est l'époque de l'ancien sous-sol. Fait que et Janie et moi, on ça doit être notre troisième fois. Daniel, à l'époque, t'étais là. Fait que on est là, puis je pense qu'on était dans Jean, puis là, ça parlait de la destinée, tu sais, le fait que Dieu gère nos vies, que Dieu prend soin de nous, qu'il a un destin pour nous, OK? Puis Janie et moi, on disait non, ça nous rejoint pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, c'est pas pour nous, tu sais, moi, je contrôle ma vie, n'est-ce pas? Ça nous avait choqué, cette notion-là. Et puis, au même titre où les amis me faisaient cette réflexion-là, hein, tu sais, pourquoi, si tu contrôles ta vie, pourquoi tu as besoin de Dieu? C'est à quelque part une question assez fondamentale chez tout le monde, OK? Mais en fait, moi, avec du temps qui a passé, vous pouvez vous douter d'une position diamétralement différente. Moi, je me dis, c'est un peu... puis là, ben, thématique voyage, là, pardonnez-moi, on part en voyage bientôt, mais... Je me dis, est-ce que vaut mieux être l'enfant de gauche, hein, qui est maître? Oh, il contrôle son avion. Il la contrôle parfaitement. Mais un petit avion jouet. OK? Qu'est-ce qu'on contrôle vraiment dans nos vies? T'sais? On contrôle là, présentement, que je ne tombe pas à terre. Est-ce que je contrôle que je me fais foudroyer, qu'il y a un avion qui se crash, que je tombe malade? Je ne contrôle pas ça. Okay. Est-ce que vaut mieux contrôler mon petit avion jouet, okay, ou faire partie d'un grand voyage, d'un grand plan, hein, du plan de Dieu qui n'échappe rien? Puis il nous le prouve dans nos vies, puis il nous le prouve dans sa parole, il nous le dit dans sa parole. Est-ce que je préfère contrôler mon microcosme ou est-ce que je préfère accepter que Dieu a un plan pour moi? Puis que je contrôle pas tout, mais que je suis capable de m'en remettre à lui, parce que lui, il est pilote dans l'avion. Puis il nous amène à quelque part. Un beau petit voyage. Voyage éternel, la pognez-vous, tu sais, c'est pas petit. C'est... Bon, bref. Fait que donc, sur ces bases-là, okay, si on résume, on a donc un premier obstacle, qui est vraiment l'orgueil, qui nous empêche de vraiment saisir le message, de comprendre, de s'approprier ce qui nous est dit, OK? Donc, nos préoccupations, notre orgueil, OK? Et deuxième obstacle, qui est l'insécurité, qui est la peur, qui va nous faire vraiment décrocher, débarquer, chicaner, faire des conflits, faire des imprécations, OK? Donc, les deux, vraiment là, les deux éléments, c'est ça. Et ça revient ensemble là, à une seule et unique chose, OK? Les deux obstacles reviennent à une seule et unique chose. Laissons-nous convaincre par Jésus. Ça revient à ça, OK? Mettons notre orgueil de côté afin de saisir le message qui est disponible, OK? Qu'on entend. Au-delà de nos peurs et de nos insécurités, lâchons notre petit avion. On peut le garder. Vous avez vu le petit garçon, il l'avait dans l'avion aussi, hein? Il y avait sa petite avion dans la grande avion. Il faut garder un temps, mais vous allez voir, comme je vois présentement, que Jésus nous l'a fait débarquer notre petit avion à nous. Bref, il nous dit, Jésus nous dit, il est venu pour nous sauver, c'est Dieu qui s'est fait homme, il est venu nous sauver pour nous dire, fais-moi confiance, je m'occupe de toi. OK, Valérie, Jésus dit, je m'occupe de toi. Lucas, Jésus dit, je m'occupe de toi. Juliane, Jésus dit, je m'occupe de toi. Puis si vous dites, je le sais, moi, je ne décrocherai pas. Et que ça arrive. Ouais, tu sais, des fois. Mais il y a aussi une autre instruction, là, mais sur le poste, j'ai décroché, OK? Pierre a pleuré comment? Amèrement. C'est important. Amèrement, là. Ça vient de Picros, okay, avec amertume, métaphorique, avec un chagrin poignant. Pierre, il dit, « Ah, Seigneur, tu me l'as dit, j'ai rien compris, puis je suis arrivé sur le fait, puis j'ai décroché, puis j'ai engueulé tout le monde. » Dans 1 Jean 1,9, ça dit, « Si nous confessons nos péchés, si nous pleurons amèrement, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, comme Pierre, qui nous donne cette situation-là, qui nous enseigne, qui nous instruit, il n'a pas été échappé, là. Dieu n'a pas comme... n'a pas échappé Pierre l'espace d'un moment. Il l'avait prévenu pour nous instruire. Pierre vit ça pour nous instruire. Dieu prend soin de lui dans la situation. Et même cette situation-là, qui est a priori négative, contribue au plan de Dieu. Parce que Pierre pleure amèrement et se repent à la fin. Amen. Est-ce qu'on a perdu un Philippe? Ce genre de situation-là que Pierre a traversé, c'est une... c'est une occasion pour Dieu de démontrer notre filiation, vous savez. C'est-à-dire que nous, on lui est affilié. Si on est enfant de Dieu, et que comme Pierre, on dit... quand tout le monde ferait ce que tu as dit, là, moi, je ne le ferai pas. Quand tout le monde va t'abandonner, moi, je t'abandonne pas. L'orgueil, hein? Ben, un bon papa, qu'est-ce qu'il fait?